Dexter. Nigga, we can't stop because we don't stop. That's a dream team, motherfucker. G.A.S. vous parle, G.A.S. vous parle, G.A.S. vous parle, je dis G.A.S. vous parle, G.A.S. vous parle, G.A.S. vous parle, G.A.S. vous parle, je dis G.A.S. vous parle. On arrête le rap, poisson d'abri, à jamais vous êtes les boss, poisson d'abri, G.A.S. est mort, poisson d'abri, un jour nous aurons tort. Les chefs de beat sont parlés, j'arrive pour les calmer. Si j'arrêtais et le RAP, c'est parce que tu m'avais buté. Je passe mon 06, 6, 8, 9, 5.2, 59, tape sur 9, t'inquiète, j'y passe à 7. Brem, si Balobi, on tourne Simbic ici. Parce que dans ces bails, level 2 back ici. Osana Pongi, Kende Polala. Car dans ce biz, on ne dort pas. Avec la team, on ne bosse pas. Mais je comprends pas des gibas bâtards en full pourcentage. J'suis ton négro, bah c'est pas grave. T'as le niveau, c'est bon, olé Kinga. Swaggy bitch, arrive de speak comme un bafounet. Je sais le rap, au dis pour me lancer et les gars du tennis. Quoi tu m'as cru? C'était un poisson d'avril. Dans le 5-8, bah MC Natch et me. G.A.S. vous parle, G.A.S. vous parle, G.A.S. vous parle, j'ai dit G.A.S. vous parle, G.A.S. vous parle. G.A.S. vous parle, G.A.S. vous parle, je dis G.A.S. vous parle. On arrête le rap, poisson d'abri, à jamais vous êtes les boss, poisson d'abri, G.A.S. est mort, poisson d'abri, un jour nous aurons tort. Tu te vois devant moi, c'est ton poisson d'abri, je suis une étoile noire, c'est pour ça que je brille. Beaucoup font du rap, peu sont des rappeurs, tous je vous capte, pour vous c'est un labeur. J'évolue, fais comme moi, droit au but. Solitairement, je suis dans mon coin, je gras MC, j'attends le prochain. Qu'est-ce pas mon flou, je vais monter pour mes gros. Je suis avec Fuji, oh, nous on donne que des KO. Oh, oh. G.A.S. vous parle, G.A.S. vous parle, G.A.S. vous parle, je dis G.A.S. vous parle, G.A.S. vous parle, G.A.S. vous parle, G.A.S. vous parle, je dis G.A.S. vous parle. On arrête le rap, poisson d'abri, à jamais vous êtes les boss. D.A.S. est mort, poisson d'abri, un jour nous aurons tort. J'ai un flow traumatique, incompréhensible comme mystique. Thématique, automatique, facteur snigo, fuck ta clique, hein. Voilà que c'est parti, D.A.S. on your teddy, hein. Philosothérapeute des beats, fais et tu le comprends vite. J'atteins le dernier niveau, donc fuck tous mes rivaux. Devant moi j'ai personne, derrière moi j'ai tout le monde. Comme une étoile filante, tu me vois, fais un feu. J'ai grandi en enfer, donc je n'ai plus peur du feu. Never, I go Lego. Nigo, Lego, let's go. Mes jaloux mourront un jour. Ha poisson d'avril. À peine je dis mon nom, que tous ces envieux crient. Nigga, motherfucker. Jumping in my cup. Go and drink it easy. Just take it easy. Back to single, motherfucker. Bitch, I'm what you want to be. Just call me Bruce Lee. All eyes on me. Punchline sur punchline, donc je honte tous mes ennemis. G.A.S. vous parle. G.A.S. vous parle, G.A.S. vous parle, je dis G.A.S. vous parle, G.A.S. vous parle, G.A.S. vous parle, G.A.S. vous parle, je dis G.A.S. vous parle.